Je salue chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Le frère Muteba de Kipushi. Était ici en mission de service. M'a demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Nous lisons dans Daniel au chapitre 2. Tutasoma mu kitabu wa Daniel sura ya pili. Nous prenons le verset 36. Prions. Tout à l'heure. Dieu Tout-Puissant, Mungu wa uwezo yote, dans la profondeur de nos âmes, nous te disons merci. Katika upana wa manafsi yetu, tunakufikia asante. Depuis le matin, tu nous as donné la force. Nous étions occupés dans nos affaires. Mais ce soir, tu as permis que nous puissions diriger nos pas à ce lieu pour écouter ta parole. Nous sommes des hommes pères. Il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas correctement. Et comme des hommes pécheurs, nous te demandons pardon. Nous avons besoin du sang de Jésus-Christ pour nous purifier complètement. Nous pardonner. Afin que nous puissions nous approcher de toi et que notre prière et notre foi te soient agréables. Bénis chaque frère et chaque sœur qui a abandonné ses activités, qui est venu ici parce qu'en lui il y a une soif d'écouter ta parole. Ne lui laisse pas partir avec une âme vide. Il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Descends Seigneur, alors que nous parlons de la parole prophétique, sois avec nous, donne-nous une bonne compréhension et mets sous notre langue de bonnes paroles, de bons termes, qui peut aider ton peuple à bien saisir la pensée de Dieu pour tous nos problèmes. Si tu es un père, réponds à chacun de nous selon sa foi. Bénis la parole que nous allons lire du début à la fin. Soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Amen. Dans Daniel au chapitre 2, verset 36. Voilà les songes. Nous vous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire. La puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs Banyama ya pori, les oiseaux du ciel, bandeke ya anga, et il t'a fait dominer sur eux tous. Na alikutawalisha pa yako yote. C'est toi qui es la tête d'or. Ni wewe ndio kichwa ya dhahabu. Après toi s'élèvera un autre royaume. Na kisha yako kutalamuka tena ufalme mwingine. Moindre que le tien. Yenye kwa kidogo kuliko yako. Puis un troisième royaume. Na kisha yake ufalme ya tatu. Qui sera de rang. Itakuwa ya shaba. Et qui dominera sur toute la terre. Na itatawala ulimwengu mzima. Il y aura un quatrième royaume. Kutakuwa ufalme wa nne. Fort comme du fer. Yenye nguvu kama chuma. De même que le fer brise et rompt tout. Kama vile chuma inavunjaka na kuponda vyote. Il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Na hayo itavunja na kuponda vyote kama vile chuma iko navunja vyote. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile des potiers et en partie de fer, na kama vile uriona miguu na vilole vya kumiguu kipande ya chuma na kipande ya bulongo, ce royaume sera divisé. Ile ufalme itagawanyika. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Lakini mtakuwa ndani yake kitu kimoja kia nguvu kama vile chuma. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Na vile uriona chuma yenye kuungwa kubulongo. Et comme le doigt des pieds était en partie fer et en partie d'argile. Na vile bilole vya kumikulu bilikuwa kipande katika chuma na kipande katika bulongo. Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Na ile ufalme itakuwa kipande ya nguvu na kipande ya teketeke. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Uriona chuma ya kuchanga kubudongo. Parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Juba taungana katika maungano ya batu. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Lakini hawatakuwa benkuungana mmoja na mwingine. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Kama vile chuma haiwezi kuungana na ulongo. Dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Mwile wakati ya wale wafalme, Mungu wa kumbingu atalamusha ufalme ila itabomolewa. Et qui ne passera point sous la domination de notre. Na ile haitapita notre peuple. Haitapita kutawaliwa wa taifa ingine. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Itavunja na kubomola ile maufalme yote ile. Et lui-même subsistera éternellement. Na yo yenye itatawala milele. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Jo ile inaoneshwa na kale kajiwe uriona kanatokea mulima bila usaidizi wa mkono wa mtu hata moja. Et qui a brisé le fer, le vin, chuma, na shaba, l'argile, na bulongo, l'argent, na feza, et l'or. Na zabu. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Mungu mkubwa alimuonesha mfalme ile inapaswa kufika kisha hii. Le songe est véritable. Ndoto ni ya kweli. Et son explication est certaine. Na ufasiri wake ni wa hakika. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Ongeze mabaraka kusome neno lake. Ici, nous avons lu littéralement l'interprétation que Daniel donne sur le songe que le roi Nebuchadnezzar avait vu. Hapa tunasoma paka vile baisha kuyanjika tafsirio ile Danieli analeta kundoto ile mfalme Nebuchadnezzar arione. Nous avons attiré votre attention hier. Tulivuta angalishisho yenu jana. pour vous dire que la statue que le roi Nebuchadnezzar avait vue, premièrement, représente Satan, qui va chevaucher et qui inspire tous les royaumes qui vont dominer sur toute la terre. Na ule kuna tembea na ekonongoza maufalme yote tonekana pa dunia jusqu'à la consommation de temps. Mpaka kumwisho ya mawakati. Donc cette statue umbisa na mui représente Satan, iko naonesha shetani, celui qui va chevaucher, yule ataanza kutembea, et celui qui inspire, jo ule eko na sukuma enaongoza tous les royaumes qui existerait sur la terre jusqu'à la consommation de temps. Et lorsque vous avez vu correctement la statue, elle est divisée en quatre parties. Et la même statue représente aussi quatre grands royaumes. Quatre grands royaumes des nations qui devaient dominer sur toute la terre jusqu'à la consommation de temps. Donc vous comprendrez que ces quatre royaumes qui s'élèveront sur la terre jusqu'à la consommation de temps, ce sont des royaumes qui seraient suscités par Satan, dans lequel Satan a un plan d'accomplir sa propre volonté. C'est pourquoi Daniel interprète les songes et dit, Daniel, la tête d'or pur et l'empire babylonien du roi Nebuchadnezzar qui avait commencé en 606 jusqu'en 538, comme l'avons vu hier. Il est rianza mumwaka mia sita na sita kufikisha mia tano na makumi tatu na sita kama vile tuliona jana. Et après le royaume de Nebuchadnezzar, na kisha ufalme wa Nebuchadnezzar, qui est représenté par la tête d'or pur, yenye kuoneshwa na kichwa azabu safi, il viendrait un deuxième royaume qui est représenté par la poitrine et les bras en argent. C'est le royaume ou l'empire des Mèdes et Perses qui avait succédé à celui de Nebuchadnezzar. Il est à Nebuchadnezzar. Et ce royaume a existé de 538 jusqu'en 330. Après le royaume des Mèdes et Perses, représenté par l'argent dans la poitrine et dans le bras, il y aurait un troisième royaume dans la statue de Nebuchadnezzar qui est représenté par le ventre et les cuisses en airain, qui est le royaume de Crèce d'Alexandre, qui a existé de 330 jusqu'à 30 avant Jésus-Christ. Et après ce troisième royaume de la Crèce, il y aurait un quatrième royaume dont les jambes sont en fer. Mais ces royaumes seraient divisés en deux. dont les pieds sont en partie en fer et en partie en argile. Après le royaume d'Alexandre, ce sont les Romains qui l'ont succédé. Donc les jambes en fer représentent le royaume de Rome ou l'Empire romain et l'Empire de Rome a existé de l'an 30 avant Jésus-Christ et ira jusqu'à la fin du monde. Depuis que les Romains ont succédé à Alexandre le Grand, c'est eux qui règnent jusqu'aujourd'hui, ils régneront jusque demain. Même après l'enlèvement, ils vont régner. Jusqu'au moment où Christ viendra détruire ce royaume. Nous allons parler de ces choses vraiment en détail. Mais j'aimerais néanmoins attirer votre attention sur le quatrième empire. Parce que la Bible dit, en parlant du quatrième royaume, qui devait s'élever après celui de la Grèce, Daniel a interprété et a dit, il y aura en lui la force de fer pour dominer toute la terre. C'est ce que révèle le verset 40 de Daniel 2. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Ce royaume brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Maintenant, quand vous venez dans le verset 43, tu as vu le fer mêlé à l'argile. Parce qu'ils se mêleront à des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec de l'argile. Vous voyez ici que Daniel est précis dans son interprétation. Il dit au temps du royaume, du quatrième royaume de fer, qui n'est pas autre que le royaume de Rome, ces gens qui, les royaumes qui existeront à cette époque-là, feront des alliances humaines. Cela signifie que ce sont de fausses alliances que ce quatrième royaume fera avec les restes des nations. Et ces alliances ne seront que trompeuses et hypocrites pour les motifs politiques ou pour les motifs d'argent. Au temps de ce quatrième royaume, avec la force qu'il a en elle, par hypocrisie et par tromperie, kwa unafiki na kwa kudanganya, et pour des motifs politiques et des motifs financiers pour avoir un peu d'argent, bifukuzio bya kisiasa na bya feza, pour un problème économique bya uchumi, il fera de fausses alliances. Atafanya mamiungano ya bongo. J'aime que vous notez cela parce que nous y reviendrons. Mina penda mwanjike ile mzuri tutarudia hapo. Vous voyez que cette alliance, disons ce royaume, ce quatrième royaume, munaona kama hiyo falme ya ine, il n'est pas sincère en lui. Ndani yake hamna roho yote. Voyez, unaona? Il est trompeur, ni wa udanganyifu, et il est hypocrite, na wa unafiki. Dans tout ce qu'il fait, mubyote vile konafanya. Voyez bien mes frères, munaba ndugu bapendo, et ce quatrième royaume, na hiyo falme ya ine, aura une politique élevée, itakuwa na siasa moja ya juu, pour avoir l'argent, juu ya kupata fedha, et pour bien dominer les autres. Najua kutawala mzuri bengine. Et après que son intérêt soit fini, na kisha kifukuzio yake kinamalizika, il brisera les alliances qu'il a fait avec les autres nations de la terre. Atavunja ile miungano alifanya na mabaki ya mataifa ya ulimwengu. Pour en faire d'autres encore. Juya kutunga tena ingine avec le reste des peuples du monde, na mabaki ya taifa ya ulimwengu, toujours pour des fins politiques et économiques. Mpaka tu jabi fukusio bya kisiasa na kiuchumi. Ah, j'aime que vous notez cela. Mina penda, parce que lorsque nous allons entrer en détail, vous le comprendrez. Mpate kuandika ile mzuri juu pale tutaingia mupana mutaelewa. Parce que ce quatrième royaume, juu ufalme ya ine hii, pour dominer bien la terre, juu kutawala mzuri ulimwengu, elle n'est pas venue avec la politique directement. Aikukuye tu na kisiasa. Elle est entrée par la voie de la religion. Ilikuya mnjia. Elle est passée comme un agneau. Ilikuya kama vile mwana kondo. Pour faire ces alliances hypocrites. Ya kufanya ile mamiungano ya kinafiki. Et pour profiter de l'argent de d'autres nations. Na tu kubeba faidia pesa ya mataifa mengine. C'est un royaume très rusé. Ni ufalme mwa mujanja sana. Il a une haute politique. Yuko na siasa mwa juu. Que les gens de la terre, les hommes de la terre, ile batu ya dunia, ont difficile à déceler. Yuko nguvu kwavo kuvumbula. Parce que ce royaume se fera passer comme un bienfaiteur. Juu ile ufalme itajionekanisha kama vile ni batenda mema. Il se passera comme un royaume de Christ. Itaonekanishwa kama vile ufalme wa Kristo. Voyez, unaona? Mais en réalité, lakini kwa kweli, il n'y a rien de Dieu en lui. Amuna kitu kya Mungu ndani yayo. Il ne poursuit que la politique. Iko na fukuzia tu ni fedha. Et il ne poursuit que l'argent. Na inafukuzia tu ni fedha. Parce que vous devez comprendre que c'est Satan kama ni shetani qui est le chef de la politique. Mwenye kuya mkubwa wa siasa. C'est Satan qui est assis sur l'argent. Ni shetani mwenye kukala pa fedha. Regardez même quand Christ est venu pour la première fois. Mwenye hata wakati Christ alifika mara ya kwanza. Christ ne s'est jamais mêlé dans la politique. Christ est balago kujitolea mu siasa. Christ n'avait même pas un compte bancaire quelque part. Ashikuwa tena akiba. Il n'avait pas affaire à l'argent. Même quand les gens, quand les autorités, hata kama wakati watu wa mamlaka, ah, lui demandait de payer de l'impôt. Anaanza kumfuata alipe palata. Vous voyez? Unaona? Lui il allait dans la mer. Yeye anaanza kwenda kwa bahari. Pour chercher un poisson qui avait avalé une pièce de monnaie qui avait été fait tomber par les commerçants. Juu ya kwenda kutafuta samaki ule alimeza huko. Kipande ya fedha ile ya cha pour payer les impôts. Juu ya yeye kuya alipe makuta ya fedha ya palata. Jésus n'était pas un homme riche. Yesu ashikukwe mtajiri. Et Jésus ne poursuivait jamais la richesse. Na ashikwanza kufukushia kutafuta fedha. Il ne cherchait jamais les richesses de ce monde ici. Ashikwanza kufukushia utajiri wa ulimwengu. Même lorsqu'une question lui fut posée de savoir. Hata kama wakati bali muswali na kumuuliza. Est-il le roi des Juifs? Eti wewe ni mfalme wa Yuda? Il dit oui. Anasema ndio. Mais il continue. Lakini anaendelea. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Lakini ufalme wangu haina hapa ulimwengu. Mais vous remarquerez que le quatrième royaume. Lakini mtatambua c'est un royaume terrestre ni ufalme wa dunia qui a divisé politique et financier. Voyez, et pour faire de la politique et pour avoir l'argent, il doit le faire d'une manière rusée, par ruse. Il doit tromper. Il doit être hypocrite. Dans la politique, Musiasa, il n'y a pas de vérité. Vous voyez bien, mes frères. Souvent, je m'étonne quand j'entends même des frères. Quand ils parlent des politiciens, ils disent ces politiciens-là, il dit la vérité. Il est véridique. Il faut être malade. Et il faut aussi être habité par un esprit politique, un esprit de mensonge, un esprit de mensonge, un esprit d'hypocrisie, pour croire que dans un politicien, un politicien peut dire la vérité. Il n'y a aucun politicien au monde qui dit la vérité. Ça n'existe pas. Dans la politique, on ne dit pas la vérité. Dans la politique, c'est le mensonge. Dans la politique, ce sont des alliances hypocrites. Dans la politique, ce sont des alliances d'intérêts. C'est pourquoi les gens se sont dit non, l'autre avait signé mais il a renié. Il faut être un ignorant, un profane. Il n'a pas quoi mujinga, je vais vous tenir mutu asiasa. Pour croire qu'un politicien dit la vérité. Même quand un politicien fait sa publicité, ils ont beaucoup de promesses qu'ils sont incapables de réaliser. Ils promettent aux gens un meilleur avenir. Ils promettent la paix. Ils promettent la sécurité. Ils promettent une vie économique stable aux gens. Mais dans la réalité, chaque politicien, il vient et il part comme il était venu. Et le peuple reste toujours dans sa souffrance. Un autre politicien plus rusé que celui-là viendra aussi avec beaucoup de ruse pour amadouer les gens. C'est pourquoi quand vous suivez les politiciens, chaque politicien a raison dans ce qu'il dit. Parce que tous sont des menteurs. Tous sont des hypocrites. Oui, bien aimé frère. Tous ont des motifs politiques. Même nous, quand on était des enfants, pour tromper quelqu'un, il y avait un adage qu'on disait, Mina moufana politique, cela signifie Mina moulanda bongo. Manayake, je l'ai trompé. Donc, les mots politiques se résume à mensonge. Mukifupi, ni bongo. C'est pourquoi vous remarquerez que ces quatrième royaume, il est fort comme du fer parce qu'il mène une haute politique que le monde ne comprend pas. Et comme il a en lui la puissance satanique qui le dirige, il fait une politique fine pour gagner beaucoup d'argent, parce qu'il doit être fort en argent, fort en économie, vous voyez, pour dribbler les autres. Oui, bien aimé frère, oui, bien aimé soeur, il est spécialiste, ou il sera spécialiste en fausse alliance avec les restes des nations de la terre. L'église est avec moi. Regardez dans les versets 44. Mwangalie mu mstari wa 14. Dans le temps de ce roi, mwile mayakati ya wale wafalme, les dieux de Dieu suscitera un royaume qui ne qui sera jamais détruit. Mungu wa mbingu atalamusha ufalme ili haitabomolewa kamwe. Le royaume qui ne sera pas détruit, ile ufalme haitabomolewa kamwe, c'est le royaume de 1000 ans avec Christ. Ni ufalme wa miaka elfu pamoja na Kristo. Comme fils de David. Kama vile mwana wa Daud. Il n'y a qu'un royaume qui va subsister éternellement. Kuna mpaka ufalme mmoja ile itadumu milele. Et qui ne passera jamais au travers des mains d'un autre royaume. Na ile haitapita mu mikono ya ufalme mwingine. C'est le royaume de Christ. Ni ufalme ya Kristo. Oui bien aimé frère. Ndio kweli ndugu mpendwa. Nous en parlerons. Tutasemea juu ya ile. Et dans le millénium. Na katika utawala wa Kristo. Sera là comme le fils de David. Kristo atakuwa pale kama mwana wa Daudi. Oui bien aimé frère et sœur. Ndio kweli banduku na badada ba pendwa. Et c'est pourquoi. Yo kwa maana. Aujourd'hui, Léo, oui. Tout le monde qui espère kila mmoja ule mwengutumainia avoir la paix et la sécurité sur la terre, apate salama na ukingo pa dunia hapa, et vivre d'une manière heureuse sur la terre, na aishi katika uheri pa dunia hapa, il est seulement dans les espérances trompeuses. Eko tuna ekala mumatumaini ya bongo. Tous les royaumes passeront. Ima ufalme yote itapita. Vous voyez. Munaona. Et tous les royaumes des hommes passeront. Ma ufalme abantu yote itapita. Et dans tous les royaumes des hommes. Na ma ufalme yote abantu. Il n'y aura pas de paix. Amutakuwa salama. Il n'y aura pas de sécurité. Amutakuwa ukingo. Il n'y a pas de garantie. Hakuna hakikisho. Vous voyez bien mes frères. Munabanduku bapendo. C'est pourquoi. Ndio kwa maana. Allez partout au monde. Muende pasi yote katika ulimwengu. Citez-moi n'importe quel gouvernement, n'importe quel serikali atamoya hata nchi moya. Dans quel pays où il n'y a pas l'instabilité? Dans quel pays où il n'y a pas de pauvres? Dans quel pays où il n'y a pas d'angoisse? Dans quel pays où il n'y a pas de pauvres, de chômeurs? Ici chez nous, nous sommes des chômeurs, on a quand même un lopin de terre pour faire les champs. Mais ailleurs, vous ne pouvez même pas vous avoir un 25 sans avoir les documents de l'État. Na ka 25 kapori bila kuwa na mikanda ya l'État. Voyez bien mes frères. Muna bandugu wa pili. Ici chez nous tu peux faire 3 hectares, 4 hectares, vous mangez ces maïs. Hapa kwetu tuweza kuwa na hectares 3 ou 4. Ukola kule le minji wewe mwenyewe auripa ta. Balata ya l'État. Dans d'autres cieux. Mu mafashi nyingine ikalake kule mambo ya. Vous devez payer, vous payez les droits de la terre, unaripa, vous payez ce que vous aimez, vous payez ceci. Bile uko unapenda, byote bile unafanya. Même quand les gens disent que non, ils aiment un gouvernement de droit, Acha bantu bantu wanasema état de droit. Droit quoi? Droit de l'homme, droit quoi? État de droit. Frère, serikali ya halali. Si on appliquait l'état de droit ici au Congo, tout le monde mourra. Ndugu, kama inakuwa serikali ya halali, umu Congo, kila mmoja wetu ataweza atenda mumoto. Vous habitez des maisons sans frais. Munekala mumanyuma mule amuri. Vous ne payez rien. Amuripie mukintu. Vous voyez? Vous marchez sur les avenues, vous ne payez rien. Atenda pa mabalabala amuripie bu. Et vous réclamez tout de l'État. Et pourtant c'est vous qui devez payer les taxes pour que l'État fasse ces choses-là. Cette corruption du Congo nous a épargné d'autres difficultés. C'est-à-dire, nous sommes noir-blanc. Mana yake tu kipande beushi kipande beupe comme là dans le monde dans le monde ailleurs ni paka vile mfashi nyingine katika ulimwengu. Voyez bien mes frères, una bandugu mapenzi, l'état de droit ne sera jamais au Congo. Serikali ya halali hawezi kuwa mu Congo, ni vitu vya bongo. Nous sommes d'abord en retard. Si benye tuko kunyuma sana. Nous n'avons même pas de sécurité. Amuna ta ukingo qui peuvent introduire le pays à un droit à un pays de ile itaweza kufanya nchi kuwe katika serikali ya. Il n'y a aucune personne qui peut respecter les droits. Les politiciens même n'en respectent pas. Les juristes n'en respectent pas. Vous voyez, la constitution est taillée sur les gens. Kitabu yenyewe ya sheria baifanyisha celui qui est fort il a raison, celui qui est faible il a tort. Ule wa nguvu ndio kuna sheria, ule wa nguvu iko na kosa. Umu mwetu ni mpori tu. Voyez bien mes frères. Una wandugu wapendo. Hakuna kitu. Mais c'est pourquoi yo kwa maana. Vous devez comprendre. Unapaswa kuelewa. Kinya aucun gouvernement d'un homme qui peut vous rassurer la paix et la sécurité. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous rassurer la paix et la sécurité. Lorsque Christ viendra dans le millénium, c'est à ce moment-là que nous aurons un royaume sans guerre. C'est à ce moment-là que nous aurons un royaume sans escrocs. Et là, il n'y aura pas des égoïstes, des cupides, des meurtriers, des méchants, des hypocrites. Parce que l'esprit de Satan sera complètement ôté dans les cœurs des gens qui vivront dans le millénium. Même les païens convertis qui vivront dans le millénium n'auront pas de mauvaises pensées. C'est Satan qui sème les mauvaises pensées dans les gens. C'est Satan qui inspire aux gens, même ceux qui ne sont pas nés de nouveau, des mauvaises actions. Quand Satan sera lié pendant 1000 ans, alors que Christ est la roi sur son trône, tous les hommes, même ceux qui ne sont pas nés de nouveau, même les nations païennes qui existeront là-bas, aucune mauvaise pensée. Vous voyez, nous en parlerons en détail. C'est vrai frère, c'est vrai ma soeur. Je voulais relever cela parce que c'est un royaume qui a même attiré l'attention de Daniel. Parce que quand Daniel a interprété les songes, nous verrons cela parce qu'il a vu aussi les mêmes songes d'une autre manière. Vous voyez, il voulait savoir la vérité sur le quatrième animal. Pourquoi? Parce que c'est le royaume qui va exister à la fin de la conclusion de toute l'histoire de l'humanité. Et nous, en tant qu'épouse aujourd'hui, le quatrième royaume, qui est le royaume de Rome, nous intéresse beaucoup dans ses actions parce que c'est avec lui que l'histoire de l'humanité va s'achever. Vous voyez bien mes frères, c'est avec lui que beaucoup de prophéties, beaucoup d'événements s'accompliront. Oui bien mes frères, oui bien mes sœurs, vous devez noter cela. Et ça c'est très important. Si vous ne comprenez pas cela, cela va beaucoup vous échapper. Il y a beaucoup de choses qui vont vous échapper. Lorsque maintenant nous prenons le chapitre 3 de Daniel, ici, nous allons parler de l'orgueil de Nebuchadnezzar. Nous allons parler de la statue d'or. Qu'il avait érigé pour que tout le royaume l'adore. Nous allons parler dans le chapitre 3 de Daniel, l'adoration de la statue d'or. sanamu ya dhahabu. Tout le royaume de Nebuchadnezzar. Ya ufalme yote ya Nebuchadnezzar. Et de l'orgueil qui s'est levé dans le cœur de Nebuchadnezzar. Na ile kiburi lamuka ndani ya moyo ya mfalme Nebuchadnezzar. L'église est avec moi. Et kanisa iko pamoja nami. Daniel au chapitre 3, lisons. Daniel sura ya 3 tusome. Dans son verset 1 à 7. Mstari wake wa kwanza kufikisha mstari wa 7. Le roi Nebuchadnezzar fut une statue d'or. Mfalme Nebuchadnezzar akatunga sanamu ya dhahabu. Haute de 60 coudées. Ilikuwa na urefu wa 60 coudées. Vipimo ya urefu na et large de 6 coudées. Na upana wake au vipande. Il adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Akeweka katika bonde ya Dura, mujimbo ya Babeli. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer tous les satrapes, les gouverneurs. Mfalme Nebuchadnezzar atakusanisha liwali bote, les intendants, waziri, les gouverneurs, waliwali, les conseillers, watu wa kushauria, les trésoriers, machungazina, les jurisconsultes, watu wa sheria, les juges, baamzi, et tous les magistrats des provinces. Na baamzi bote ba majimbo. Pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Juba kwe ba shangilie ile sanamu mfalme Nebuchadnezzar. Remarquez ici, unaona hapa, après que le roi Nebuchadnezzar kisha mfalme Nebuchadnezzar eut reçu l'interprétation du songe qu'il avait vu, anapokea utafsiri wa ndoto ile alipata, après quelque temps, na kisha nyakati fulani, il reçoit une inspiration satanique, anapata sasa kusukumwa na shetani, il oublie les bienfaits du Dieu de Daniel, anasabu matendo mema ya Mungu wa Daniel, il oublie même Daniel qui lui avait interprété son premier songe, anasabu na Daniel mwenye alimtafsiri ndoto yake ya kwanza, de son propre chef, kupitia tu kwake yeye mwenyewe, il érige une haute statue, anatunga sanamu mrefu sana, et il invite tous les dignitaires, na anaita batawala bote, de venir à la dédicace de cette statue, akweba shangilie ile sanamu. Alors les satrapes, na pale waliwali, les intendants, wachungaji, les gouverneurs, waliwali, les conseillers, bashauri, les trésoriers, bachungazina, les circonsultes, bale watu wa sheria, les juges, baamzi, et tous les magistrats des provinces, na baamzi bote ba majimbo, s'assemblèrent pour la dédicace baka kusanyika à la statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Ile sanamu ilitunga na kushimamisha mfalme Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevé Nebuchadnezzar. Baka shimama mbele ile sanamu ile la mwisha mfalme Nebuchadnezzar. Enorea cria à haute voix. Na mumoya mupikaji wa parapanda kalalamika. Voici ce qu'on vous ordonne. Tazama nini ile banamiamuru. Peuple. Taifa. Nation. Mwema taifa. Homme de toute langue. Batu ba maluga yote. Au moment où vous entendrez le son de la trompette. Wakati mutasikia mulilio ya baragumu. Du chalimo. Chalimo. De la guida. Guitare. De la sambuc. De Péterion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternez, mutainama, et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Na mutabudu sanamu ya dhahabu ile mfalme Nebuchadnezzar anashimamisha. Mais c'est le même Nebuchadnezzar. Lakini ni paka huyu Nebuchadnezzar moya huyu. Lorsque Daniel lui avait interprété le songe qu'il avait oublié. Wakati Daniel alimfasiria ile ndoto alisahau. Il s'était réclamé en disant, c'est seulement les dieux d'Israël, les dieux de Daniel, ni paka Mungu wa Israël, Mungu wa Daniel, qui est le dieu des cieux, kwa Mungu wa mbingu, qui est le dieu des dieux, kwa Mungu wa miungu. Mais regardez maintenant, sasa mwone tena hapa, hein? Il a oublié. Yehuwa na sabu. L'ivresse, vous l'avez vu, de la gloire, ya utukuf. L'ivresse, vous l'avez vu, de l'autorité qu'il avait sur les nations, ya ile mamlaka alikuwa nayo kwa mataifa. L'ivresse, vous l'avez vu, de la domination qu'il avait sur les peuples, ya utawala alikuwa nayo juu ya bantu. Vous voyez, unaona. Maintenant, lui se croyait comme un dieu. Ça, ça paye na jiona kama Mungu. Parce qu'il était fort. Dieu a quoi wanguvu? C'est ce que nous voyons même sur la terre. Dieu est au nona pa dunia. Quand quelqu'un devient puissant, wakati mtu anakuwa wa uwezo, il se croit comme un dieu. Yana jamini kwa sa Mungu. Il pense que tout lui est permis. Yana wajaka mabiote anaruhusiwa kubifanya. C'est là où les gens tombent. Na njo bale bantu beko nanguka. Voyez bien mes frères. Muna bantu kubapendwa. Voyez bien mes sœurs. Badala bapendwa. Il a oublié. Alisabu. Que le dieu des cieux. Ya kama Mungu amambingu. L'avait utilisé comme un instrument ari mutumia kama vile chombo pour aller prendre le royaume de Juda ja kwenda kubeba ufalme wa Juda et l'amener en captivité dans son royaume na kuileta mafungwa mufalme wake afin de manifester sa colère contre son peuple ja kuonesha kasirani yake kuombanisha taifa lake et Nebuchadnezzar savait na Nebuchadnezzar alijua que si les juifs étaient dans son royaume ja kama kama ba Yuda ba kwa Mungu par punition de leur dieu le dieu d'Israël ni Mungu alibapiza Mungu wa Israeli que lui-même reconnaissait comme étant son dieu étant l'unique dieu ile yeye mwenyewe alitambua kama ni Mungu wa kweli wa pekee la gloire l'honneur et la puissance heshima na uwezo lui a fait oublier toutes ces choses inamponya sababu bile vitu vyote vile c'est vrai frère ni vya kweli banduku la gloire utukufu la puissance uwezo les honneurs maheshima souvent font tomber les gens dans la folie ma wakati ya mingi nangushaka bantu katika mazimu regardez même lorsque un politicien ona hata wakati mtu wa siasa c'est ça qu'il a le peuple derrière lui. Anajisikia kama taifa iko nyuma yake. Il a des fanatiques qui chantent jour et nuit. Iko na mapendele vubena mwimbia ja utukufu yake. Il pense que yana waja kama c'est seulement les gens là qui chantent pour lui. Ni paka wale bantu bena mwimbia bale. Qui c'est tout le monde qui chante pour lui. Njo bantu bote bena mwimbia. Non, et pourtant c'est une séduction. Ni utongozi tu. Il y a une masse silencieuse. Poko bantu bale mwikala kimya. Qui est déterminante. Bale njo beko na mipango. Pas derrière les politiciens, qui n'est pas derrière les rois, qui n'est pas sur la rue, en train de jouer, c'est cette masse la silencieuse, qui est déterminante dans toutes choses. Voyez bien mes frères. Oui, bien mes frères. Autour de roi, autour de président, autour de gouverneur, autour de pasteur, autour de ministre, il y a toujours des flatteurs, des fausses gens qui flattent celui qui est élevé ou quelqu'un que Dieu a élevé pour le faire tomber. Vous voyez. Ce qui est arrivé à ce monsieur. Dieu est fiqué au bois non. Regardez là où il est maintenant. Mangare ça coule à la fiqué. Il ne sait plus qu'il y a un Dieu d'Israël. Ah si Dieu était là, comment qu'on a Mungu wa Israël. Il oublie Daniel qui était un prophète. Anasabu Daniel alikuwa nabii. Il oublie Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient dans son palais. Shadrach, Meshach. Na Abednego walikuwa ndani ya nyumba yake bena mtumikia. Donc il savait. Na yeye alijua. Il savait le véritable Dieu. Ya kama walikuwa na Mungu wa kweli. Il pouvait le consulter pour le dire. Changeweza kubaona. Daniel vient. Na kubauliza. Shadrach, Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego. Muje. J'ai telle pensée. Mimi na wazo fulani. Que me conseillerez-vous? Unanishauri je? Daniel lui dirait en face. Daniel angemwambia wazi wazi. Oh, vie éternellement. Mfalme uishi milele. Le Dieu du ciel. Mungu wa mbingu. qui domine sur toute la Mwenye terre. Le Dieu d'Israël qui nous a amenés dans ton royaume ne supporte pas de l'idolâtrie. Si vous tombez dans l'idolâtrie, votre royaume tombera comme le royaume de Juda. Parce que nous sommes entre tes mains, parce que nos parents sont tombés dans l'idolâtrie, donc tu voudrais faire, il aurait des bons conseillers. Vous voyez bien mes frères, mais souvent quand les gens sont élevés, ils ne coûtent pas de bons conseils. Pourquoi? Parce que maintenant leur cœur est géré par Satan. Quand quelqu'un est dans le pouvoir, il a un cœur vide. Un cœur humain. Il a de bons sens. Comme tout autre homme. Il peut penser du bien pour les autres. Mais une fois quelqu'un, il est investi. Il est maintenant dans son trône. Katika utawala, il a le pouvoir. Anakuwa na utawala, ce n'est plus lui. Aina tena ule mtu ule anaanza kuongoza. Ce n'est plus les bonnes pensées qu'il a. Aina tena mawazo mzuri alikuwa na itaanza kumuongoza. Maintenant c'est Satan. Sasa pale ni shetani. Il vient habiter son cœur. Anakuwa pikala ndani ya moyo wake. Pour diriger maintenant ce roi là. Dieu a kumuongoza ule mfalme mule sasa. Kanisa mko pamoja na mimi. Pourquoi Jésus a dit? Donc kwa maana Yesu alisema. Satan a dit. Shetani alimwambia Yesu. Lorsqu'il a amené au temple, il dit, lorsqu'il a amené sur la montagne, il dit, tout le royaume est ici, c'est moi qui le domine. Si tu m'adores, je vais te le donner. Tout le gouvernement mondial est dominé et dirigé par Satan. C'est pour cela qu'un chrétien donc, ne peut pas entrer dans la politique. Et ceux qui entrent dans la politique sont des hommes sans Dieu dans leur cœur. Si Dieu habite ton cœur, il n'y a pas de place pour Satan. Ah, il n'y a qu'un trône dans votre âme. Ou soit c'est Satan qui l'habite, ou c'est Dieu qui l'habite. Si le trône d'un chrétien est déjà habité par Satan. Et vous ne pouvez pas aller dans le trône de Satan avec Dieu. Non bien aimé. L'église est avec moi. Quand un homme n'a pas le pouvoir, il a le bon sens. Les politiciens, avant qu'il ait un pouvoir, il a le bon sens qui les dirige. Mais quand il a maintenant le pouvoir, c'est Satan qui habite son cœur. C'est Satan maintenant qui les dirige. L'église est avec moi. Mais regardez le roi Nebuchadnezzar. Il a oublié les bienfaits de l'Éternel. Maintenant lui-même s'érige une statue. Il invite maintenant tous les responsables, les gouverneurs, les dignitaires de son royaume. Et il dit, maintenant, il demande à tous ces gens, à toutes les nations, à toutes les langues, à tous les peuples du royaume, d'adorer la statue. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés frères. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tout le peuple entendit le son de la trompette, du chalumeau, de la kidar, de la sambik, et du pelterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples les nations, mataifa, les hommes de toutes les langues, se yote, prosternèrent inama, et adorèrent la statue d'or. Il est rishimamisha mfalme Nebukadneza. Quelle confusion. Mvuruko gani. Que ce roi se met dans son royaume. Il est mfalme ariweka aripanda ndani ya ufalme wake. Bien aimé frère et sœur. Mapendwa ndugu na dada. Souvent les malheurs et les difficultés wakati ya mingi ole na mateso qui nous arrive inatufikiaka est l'œuvre de nos propres œuvres ni matokeo ya matendo yetu si benyeu. Souvent c'est nous-mêmes wakati ya mingi ni si benyewe qui nous attirons des malheurs yo tunajiletea ole et de difficultés namagum seulement par notre orgueil kupitia tu kiburi yetu si benyewe. Vous voyez ce qui amène le roi Nebukadnezar à ériger une statue et munona kile kina mufanyia huyu mfalme Nebukadnezar anze kutunga sanamu et a demandé tout le monde na alombe kubantu bote a demandé le monde entier ulimwengu mzima devenir adorer sa statue bakuye babudu sanamu yake. C'est seulement de l'orgueil chini kiburi tu et faut pas me dire regardez cette statue na ndugu bwana anasema muone hii sanamu elle était conçue à l'image et à l'honneur de Daniel bari tunga mkuheshimia Danieli. Vous voyez, munaona, pour qu'elle soit parée d'un peu de spiritualité. Tu, monekanio kumambo moya ya kiro. L'orgueil n'est pas une bonne chose. Kiburi ana kitu kizuri. Quand quelqu'un commence à faire des choses, wakati mtu ananza kufanya vitu, sans considérer ce que Dieu dit, bila kuangalishisha kile Mungu anasema sans solliciter des conseils des sages bila yeye kutafuta mashauri ya watu wenye hekima un homme sage mtu wa hekima c'est seulement celui qui craint Dieu ni paka tu ule kunogopa Mungu. Un homme sage mtu wa hekima est un homme qui agit sur base de la volonté de Dieu. Ni mtu ule konatenda kufuatana na mapenzi ya Mungu. Quand quelqu'un devient orgueilleux, lakini wakati mtu anakuwa wa kiburi, il ne veut pas aller vers le sage. Apende kwenda kubata hekima. Pour découvrir la volonté de Dieu. Tu sais qu'il fait? Na kupata mapenzi ya Mungu kukila anapenda kufanya. Vous voyez? Unaona? Il ignore complètement les dieux du ciel qui lui a donné le pouvoir, qui lui a donné la santé, qui lui a donné l'honneur, qui lui a donné la vie. Il est l'église complètement et il ne fait que ce que son cœur dicte. Et pourtant la Bible dit celui qui se confie en lui-même tumainia ye mwenyewe est un insensé ni pumbafu. Vous voyez bien mes frères, nous avons donc bapendwa en tant que chrétien venez quoi comme ba Christo, nous devons toujours considérer la pacha wakati yote Dieu dans tout ce que nous faisons. Tuone Mungu mukile kyote tunafanya. Dieu doit occuper Mungu anapasha kubeba la pazi, première place pazi ya kwanza dans tout ce que nous faisons Mungu en tant yote que fils de Dieu. Kama batoto banamuke na banume ba Mungu. Si réellement nous sommes chrétiens, kama kweli kweli tuko ba Christo, si réellement nous sommes fils de Dieu, kama kweli kweli tuko batoto ya Mungu, avant de poser n'importe quel acte, mbele ya kutenda tendo fulani yoyote, posez-vous toujours la question de savoir swali ya kujua quelle est la volonté de Dieu mapenzi ya Mungu dans ce que je veux faire. Mungu unafanya ni nini? Mais quand quelqu'un devient orgueilleux, lakini kama mtu anakuwa kiburi, il met Dieu à côté, il met au bouche, anaweka Mungu pembeni, anamfungia. Celui qui est maintenant super yeye ndio anakuwa wa yulu sana. C'est ce que le monsieur a fait. Dans son orgueil. Et pourtant c'est lui. Il dit pourquoi nier. Qui avait demandé. Ou la lomba. À ses conseillers. D'aller, d'aller parmi les captifs d'Israël. Bende, katika bafungwa ya Israël. Qu'il cherche parmi les jeunes gens. Qui sont venus de la captivité. Des hommes sages. Intelligents. Qui viennent d'une race royale. Et d'une famille noble. C'est lui. Il voulait le mettre dans son palais pour son, à son service. Mais ces gens étaient dans son palais. Mais il ne les a pas consultés. Vous voyez bien mes frères. C'est ça l'erreur que beaucoup de frères font. Vous voyez. Ils aiment être à côté des hommes de Dieu. Mais dans leur cœur. Lakini mumio yabo, dans leur orgueil. Ils les ignorent. Ah, one, quand ils veulent faire quelque chose kama, qui les plaît. Kama bena, kufanya bintu ya kupapendeza, alors ils mettent à côté les hommes de Dieu. Pembeni, ils ne veulent même mungu. Pas les entendre. Ils ne veulent pas les écouter. Ils les ignorent complètement. Bien aimés frères et sœurs. Lorsque tu commences à ignorer kama unaanza kusabu des hommes de Dieu batu ya Mungu que le Seigneur a établi à côté de toi bale bwana aliweka pembeni yako pour t'aider tu vas pas te kusaidia sache que tu as déjà embrassé la voie de la mort Dieu kama wosha kubeba njia ya lufu et l'orgueil là qui te fait ignorer la présence de Dieu à côté de toi usabu dans tout ce que tu Mungu, fais kando quand tu commences à bouder les hommes de Dieu kama qui se trouvent à côté de Dieu à côté Mungu, de vous pour t'aider avec la parole de Dieu na neno la avec Mungu, la foi de Dieu na hekima ya Mungu, vous vous êtes engagé sur la voie de l'orgueil et kiburi, tu mourras certainement vous devez savoir que la fin de toute chose tu finiras dans la honte et vous verrez comment cet homme va finir dans la honte. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer. Nous allons commencer par ici demain. L'église est avec moi. On avance petit à petit. J'avance petit à petit. Vraiment comme si on enseignait aux petits-enfants. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes sœurs. Nebuchadnezzar a commis une grave erreur. Dans son orgueil. À cause de la puissance. Du Yahweh. Que Dieu lui avait donné. À cause de la domination. Ja utawala, que Dieu lui avait donné. Mungu vous voyez. Munaona, à cause de l'argent. Que Dieu lui avait donné. Mungu mais il ignore. Le Dieu qui lui avait donné le pouvoir. Mungu parce Daniel Uwezo. Lui a dit ouvertement. Daniel a remembé wazi-wazi. Quand il lui interprétait les songes. Il lui a dit le Dieu des cieux. A donné à toi Nebuchadnezzar. La domination. Utawala. Sur tous les peuples de la terre. Sur les bêtes des champs. Sur les oiseaux du ciel. C'est Dieu qui t'a donné. Et Daniel a insisté. Na Daniel a récalisé la donné. Ule Mungu alikupatia. Vous voyez. Mais lui. Il met Dieu à côté. Il commence son enfer. Il met Dieu à côté. Il met les hommes de Dieu qui étaient dans son royaume. À côté. Vous voyez. Munaona. Et il établit son. Son statut, sa statue, na, anatunga sanamu yake, son idole, ile sanamu yake, il est fait en or, anefanya zabu, voyez parce que c'est la divinité, kwa maana ni kimungu, c'est la divinité, zabu, ni kuonesha kimungu, anasema mkuu sasa mwabudu, eh, une histoire sans Dieu, na kitu kiasipo Mungu, une histoire qui fait irriter Dieu, kitu kile kinakasirisha Mungu. L'idolâtrie qui a fait tomber sanamu, il est Israël et Judas, Israël na Yuda, qui a mis Dieu en colère. Il est Mungu. Lui, il tombe là-dedans. C'est pourquoi soyons prudents. Nous ne devons pas ignorer Dieu dans ce que nous faisons. Nous ne devons pas ignorer les hommes de Dieu dans ce que nous faisons. Ce n'est pas tout ce qui s'élève dans notre cœur que nous devons accomplir. Nous devons faire que ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Lève-nous pour la prière. Que Dieu nous aide. Vous voyez, parce que avec le roi Nebuchadnezzar, nous apprendrons aussi beaucoup de choses. L'orgueil de Nebuchadnezzar l'avait poussé à faire une statue d'or et qui conduirait dans l'idolâtrie. Il exigea que tout le monde l'adore. Alors que nous, nous sommes censés adorer le Dieu vivant. Prions tous ensemble. Seigneur, merci.